atomique. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Oh putain! Ah là, j'en peux plus, docteur. Oh putain! J'en peux plus, faut faire quelque chose, faut m'aider parce que. Je sais plus quoi en faire, je sais plus. Il y en a ras-le-bol, qu'est-ce qu'il a cru celui-là? N'en fait qu'à sa tête, jamais en panne. À toute heure me racole sous prétexte que d'un coup d'un seul, le bout de la mine ne gratte. Je vous jure, ça me rend dingue. Doc n'en a rien à secouer de mon cerveau. Glisse, ça, ça glisse, l'en veut toujours plus pour déformer la marge. Me regarde de travers comme pour dire sans moi t'es qu'un gros naze. Il gratte, rature, reprend et conjugue au futur. Puis quand je relis, moi je me dis composé sans c'est foutu hein. Lui s'en tape bien, me laisse le focal dans la merde. Au milieu de ses mille ratures, 20 000 lieues sous les verres. Plaignant de son usure, ça me rend dingue, merde. Toi, t'as le syndrome du stylo. Oui, vous allez pas me croire, doc, mais j'entends sa voix. Essaye de calmer Otico. Non, rien à faire, il sort des mots que je connais même pas. T'as le syndrome du stylo. Vous allez pas me croire, doc, mais j'entends sa voix. Essaye de calmer Otico. Non, rien à faire, il sort des mots que je connais même pas. J'ai tout essayé, clavier, plume, mémorisation. J'ai même songé à te jeter au fond des tiroirs planqués. Se démerde, je ne sais comment, pour systématiquement ratterrir sous mon nez. Plume fait saisir le malheur auquel je ne peux résister. Aidez-moi, docteur, ou un plomb, je vais péter. Je crois que j'irai jusqu'à le vider, intenable. Je rêve de marqueurs décapités, de scènes porno entre mille papiers, d'invasion de cartouches, d'un gros stylo. Pantin en train de nous gouverner, ça me rend complètement dépressif. Lui, il est pas tout seul, c'est reproduit ce qu'on a, il a des rejetons partout. J'avoue, ça me fout les jetons, un tel stock, y'a de quoi écrire partout. Aidez-moi, docteur, j'crois que t'as le syndrome du stylo. Vous allez pas me croire, doc, mais j'entends sa voix. Essaye de calmer Otico. Non, rien à faire, il sort des mots que je connais même pas. T'as le syndrome du stylo. Vous allez pas me croire, doc, mais j'entends sa voix. Essaye de calmer Otico. Non, rien à faire, il sort des mots que je connais même pas. Doc, est-ce que c'est grave? Y a-t-il un vaccin? Ah, des effets secondaires comme la HAN1? Non, quoi, pire que la mort? Ah, un traitement audiovisuel de 20h sur 24 en complément d'achat intensif de babiole dont on se tape, puis un sevrage militaire et oh, check il. Tant pis, t'inquiète, je repars avec poteau, stylo et tant qu'à faire. Je préfère être excentrique que collabo. Puis finalement, plus important n'est pas le syndrome du stylo, mais de le dresser au bon mot. Ah ouais, j'ai aussi un problème de micro-chronique, doc, mais vu... Bon, non, je vais gérer ça tout seul, pas d'icma. J'crois que t'as le syndrome du stylo. Vous allez pas me croire, doc, mais j'entends sa voix. Essaye de calmer Otico. Non, rien à faire, il sort des mots que je connais même pas. T'as le syndrome du stylo. Vous allez pas me croire, doc, mais j'entends sa voix. Essaye de calmer Otico. Non, rien à faire, il sort des mots que je connais même pas. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'a qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans.